La philosophie nazi, trop bad, stoppable. Classique rangé dans les cartables. La base est devenue palpable. Évidemment coupable, poids dérisé, intenable. L'ambiance est insoutenable, redoutable. Des placements qui deviennent un spectacle. Un pactage pareil à tout obstacle. La guerre a poussé mon art et mes rêves en France par la philosophie nazi, yep. Yo. La philosophie nazi, yeah. La philosophie nazi, yeah. La philosophie nazi, Jay-Z. Assoiffé par le flow, par l'écriture affamée. Venu de l'école où faut rapper comme un taré. Si t'étais pas forcé sans pitié quand j'étais chifflé par le bitume, il fallait retourner taffer. Pour devenir le boss de la ville, depuis qu'on s'en détaché de ce qui est difficile devient facile et de speed. Par l'année des one mic, je m'amuse dans la folie d'un visionnaire et me laisse guider par mon infini. They had a song cry, plop. Trop de façons d'aborder le hip hop. Donc goûte à l'étendue de mes blocs. Démonstration quand on shoot armé, dialogue. Pour être illimité sans faille. Choc et donne envie de choc et lève le niveau fuck. Les mauvais ont tort. Un ennemi développe ta puissance, t'es à bloc. On en demande encore. Est-ce la mentalité nazi, yeah. Ces devises ont rassemblé, m'ont formé. Ainsi je n'ai plus peur d'innover désormais. Car le business et la passion mélangent mon armée. Donc j'ai analysé assez, yeah. Tout fait pour être un artiste complet. J'en ai passé des nuits à contempler. L'inspiration, l'ambition, ma volonté décuplée. Par la philosophie nazi, yeah. Yo, yeah. La philosophie nazi, yeah. Jigga, man. La philosophie nazi, yeah. Nazi, nazi. La philosophie nazi, Jay-Z. Ava. Ma philosophie nasse et Jay-Z. J'écrase le game avec un nouveau niveau de face et débit. J'embrase et brise les sas parce que j'extasie les masses. Avec grâce et technique, des styles éclectiques qui dynamisent les braves et qui dynamitent les boîtes. Si j'ai la rime qui déboîte, c'est parce qu'avec nasse et Jay, j'ai taffé mes schémas de rime et thème et du cinéma dans les scénarios de mes textes habiles. Et même si la tête tapine dans mes lignes, elle a du sexe habile. J'aime et je déteste la street, c'est ma terreur et ma thérapie. Mais c'est elle qui fait que j'ai le rap qui erratique. Je n'ai classique à la fin des 90s pour faire ma vie. Une terre d'asile de mes rêves d'artiste. Et je crève d'arriver. La philosophie nasse et Jay, c'est Harvey Dent. Les deux faces de la même pièce. La psychologie parle d'elle-même. Elle fraternelle entre business et art intègre. Mais le fait de voir tes frères passer même donne de l'espoir aux âmes en peine. Et au-delà des races, des sexes, la défaite ne reste pas sur la même chaîne. Était-il si évident qu'autant de dettes, président. Un nègre présent dans la blanche résidence le serait parce qu'il est élu au rang de président. C'est un hommage à deux artistes placés comme un touchable. Toujours dans les classements des MC respectables. La guerre a poussé mon art et mes rêves en France par la philosophie nazi, yeah. Yo, yeah. La philosophie nazi, yeah. Jigga, man. La philosophie nazi, yeah. Nazi, nazi. La philosophie nazi, yeah. Nazi, nazi.